Jean Lebrun, le vif de l'histoire à deux jours du référendum en Nouvelle-Calédonie. Avant-goût de votre émission Intelligence Service demain consacrée à Maurice Lennart, missionnaire hors norme dans l'archipel de Nouvelle-Calédonie, est devenu son premier grand ethnologue. Il a vécu entre 1878 et 1954. Alors une scène dans le métro parisien la veille du premier des trois référendums 2018. Une dame aborde un jeune homme. Elle a reconnu en Hassan un Kanak. La dame dit qu'elle s'appelle Lennart. Quelle est la petite fille de Maurice Lennart? Comment répond Hassan? Monsieur Lennart, c'est lui qui nous a appris à revivre, à nous autres. Total respect, madame. Et peu de jours après, Hassan est invité à suivre en direct les résultats du référendum au domicile de la famille, peuplé des objets kanak que le grand-père a rapporté de 5 très longs séjours dans l'archipel. Chez les Lennart, on est pasteur protestant de père en fils. Alors avec un appétit pour la vie missionnaire, la routine dans une paroisse installée en métropole risque de tuer le pasteur, la vie missionnaire sauve le pasteur. En 1902, Maurice débarque donc en rade de Nouméa avec sa femme, Jeanne. Comment, lui dit le maire, vous allez chez les Kanaks, mais il n'y en aura bientôt plus. L'échec de leur révolte, 1878, les a en effet laissés désespérés. L'alcool les ravage, le code de l'indigénat les cantonne dans des réserves. Lennart va fonder une station missionnaire en Grande Terre. Il s'en éloigne parfois, à cheval, en chaloupe, composant à l'extérieur une silhouette de colosse bienveillant qui va devenir familière. Mais son coup de génie est, à l'intérieur de la station, de prolonger le culte du dimanche matin par le culte des ardoises, le dimanche après-midi. C'est un atelier de traduction biblique en langue locale qu'il partage avec des apprentis pasteurs qui le forment en même temps qu'il les forme. Un mot de l'évangile est mis sur la table. Les interlocuteurs proposent toutes les transpositions possibles dans l'univers kanak. La rédemption peut ainsi prendre le visage d'un arbuste, le Naoui, qu'on plante après les combats entre tribus et qui absorbe le sang. Acculturation dans les deux sens. Bon, d'accord, mais on est quand même dans le temps de la colonisation. Oui, alors Lennart ne cherche pas la confrontation avec l'administration coloniale, encore moins l'expulsion. Mais chaque fois que des colons l'enjoignent de ne s'occuper que du salut des âmes, il s'exaspère. Et si les indigènes en viennent à voler des noix de coco, dit-il, je vais bien devoir considérer qu'on leur a aussi volé leurs cocoteraies. Le militant indépendantiste Jean-Marie Tchibaou, assassiné en 89 par un Kanak opposé aux accords de Matignon, était un catholique qui a beaucoup lu et médité Lennart. Et il disait, nous ne pouvons plus être des noix de coco flottant au fil du lagon, nous devons réenraciner nos cocotiers. Lennart était persuadé que ce réenracinement qu'il souhaitait en tant qu'ethnologue passait par la conversion qu'il avait préparée en tant que missionnaire. Les Kanaks parlent de camo, ce qui vit. Ce qui vit peut aussi bien être un oiseau qui vole, un poisson qui nage, un homme qui chasse, qu'un défunt qui se glisse sous la terre. Dans les grandes fêtes, les pilous, les morts dansent avec les vivants. Ce qui vit s'inscrit, continue-t-il, dans un temps mythique qui ignore l'idée même d'un avenir. Mais Jésus, poursuit Lennart, en s'inscrivant à son tour dans le vivant, ouvre un avenir. Alors, nombre de spécialistes ont évidemment critiqué cette ethnologie qui s'associe de bien près à une théologie. Mais il n'est pas sûr que les Kanaks d'aujourd'hui se soucient beaucoup de cette dispute entre spécialistes. Ils retiennent surtout une leçon positive de Lennart. Son vocabulaire a infusé jusque dans les accords de Matignon, initié, il est vrai, en 1988 par des protestants. L'avenir des néo-calédoniens, disait Lennart, est de partager un destin. Et les accords, encore ceux de Nouméa en 1998, répètent ces mots, destin commun. À Lennart, les Kanaks importaient beaucoup, néanmoins, ils ne pensaient pas qu'une communauté doive l'emporter sur une autre. C'est sa leçon. Et donc, Maurice Lennart dans Intelligence Service, demain à 18h. France Inter.